Ce vendredi, à la vie en BD, une bande dessinée sur les immigrés et les réfugiés clandestins de Tunisie vers la France. Le renouveau d'Annie Gourouvi à travers les éditions Gourouvi. Un retour sur Comic-Con 2015 et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Et ben on aura notamment en première partie d'émission un petit duplex avec la France puisqu'on aura le plaisir de rejoindre l'auteur Léopold Prudhon, auteur de la BD De l'autre côté qui porte justement sur le récit des réfugiés clandestins qui traversent la Méditerranée en quête de jours meilleurs. Une bande dessinée qui est publiée du côté des Enfants Rouges. Également ben Annie Gourouvi qui la dernière fois qu'on lui a parlé la saison dernière, on était en pleine tempête autour des droits d'auteur de la courte échelle. Cet automne, nouveau départ, nouveau souffle, nouvelle maison d'édition. On en jase avec elle en deuxième partie. Dans l'actualité BD cette semaine, notamment, on commence à parler du 43e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, rendez-vous certes incontournable, qui consacrera notamment deux expositions au père de Lucky Luke et à la série de Vives, Sans la ville et Balak. On parle ici évidemment de Morris et de Last Man. Alors l'art de Morris, l'homme qui inventa Lucky Luke, question de souligner les 70 ans du célèbre cowboy. On parle donc d'une rétrospective inédite constituée de planches originales et l'exposition consacrée à Last Man, elle, offrira donc différents éléments dans un contexte qu'on annonce comme ludique et interactif. Sinon, d'autres nouvelles européennes. On parle du prix Landerneau BD 2015, prix qui a été remis au premier tome du rapport de Brodeck, qui a été choisi par les libraires du réseau Leclerc en France parmi 10 albums finalistes. Un album, je le rappelle, en noir et blanc qui raconte l'histoire d'un ancien déporté chargé par les habitants de son village d'écrire le rapport qui les exonérera de la mort d'un étranger. Autres prix qui ont été remis, les prix Saint-Michel, la plus vieille récompense offerte à la bande dessinée en Europe. Ça a été remis à Bruxelles un peu plus tôt cette semaine, décerné depuis 1971 d'ailleurs. C'est attribué par la ville de Bruxelles pour le contexte général. Alors pour 2015, les lauréats sont donc Grand Prix Saint-Michel qui a été remis à François Valtteri, le créateur de Natacha en 1970, le Grand Prix 2014 qui était Florence Questac d'ailleurs. Le prix du meilleur album a été donné à Anne-Laure et Aurélien Ducoudray pour Amère Russie, le tome 2. Meilleur dessin à Ralph Meyer pour Undertaker, le tome 1. Scénario, c'est Patrice Perna pour son Kersten médecin d'Himmler, le premier tome qui est paru l'an dernier. Le prix de la presse, lui, a été offert à Mobudu dans l'espace, d'Eddie Vaccaro et Aurélien Ducoudray chez Futuropolis. Le prix humour jeunesse au Carnet de cerises, le tome 3, série d'Aurélie Néret et Joris Chamblain. Ce qui est du prix à venir, c'est le roi ours de Moby Dick qui l'a obtenu. Alors voilà pour ses prix et ses récompenses. Peut-être un dernier clin d'œil avant de passer à un petit extrait musical. Alors simplement pour vous mentionner, si vous suiviez ardemment Charlie Hebdo à une certaine époque sur le web, vous savez que ça a pris une pause depuis le 7 janvier dernier. On annonce que 10 mois après la tragédie évidemment qui a eu lieu, qu'on connaît tous et toutes, le site internet de l'hebdomadaire satirique sera de retour. Donc nouveau site, Charlie Hebdo, c'est reparti, indique d'ailleurs la page d'accueil au moment où on se parle, qui précise que le site, et j'ouvre les guillemets, est un tour de chauffe qui va permettre entre autres de roder et affûter un format quotidien avant, entre guillemets, un vrai site tout neuf et tout complet en début d'année prochaine. Alors, donc, on aura droit à quelques contenus sur le web à partir de maintenant. Alors voilà pour ces éléments d'actualité. En musique, cette semaine, on reste dans l'étiquette 8-Bit People avec un album qui s'appelle Lion Tiger Bear de Marc de Nardo et on en écoute un premier extrait qui s'appelle Nino. We'll be right back. que vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1, en vous rappelant que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Également, je vous invite à me lire sur voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, parmi les sorties BD des dernières semaines, eh ben, il y a notamment une bande dessinée qui s'appelle De l'autre côté. Donc, première BD de Léopold Prudhon, qui est publiée aux Enfants Rouges, qui s'intéresse au phénomène des réfugiés clandestins en Europe à travers le récit de l'un d'entre eux, récit fictif. Et pour nous en parler, pour échanger avec nous autour de cet album, ben, on a l'auteur et dessinateur avec nous. Léopold Prudhon, bonjour. Bonjour. Alors, un sujet, si je ne m'abuse, qui est venu vers vous en pleine étude, de votre côté, en pleine étude de l'Odyssée également, et en même temps que vous étudiez l'Odyssée, vous aviez vu un documentaire d'envoyé spécial qui portait sur cette thématique-là. Oui, exactement. En fait, c'était l'année où je passais le bac, j'étais en terminale, et c'était une des œuvres au programme en littérature. Et c'était le moment des révolutions arabes, ou juste après, peut-être 6 mois après, et j'ai vu ce documentaire où le journaliste suivait pas à pas un jeune Tunisien qui avait pour projet de quitter son pays et de rejoindre la France. Et on le voyait à travers son périple, et il y avait quelque chose d'extrêmement touchant et prenant et très... J'ai ressenti comme quelque chose de très romanesque qui dépassait le simple cadre du documentaire et qui permettait vraiment une identification. Et je me suis identifié et j'ai vu un rapport avec l'œuvre que j'étais en train d'étudier, donc qui était l'Odyssée, parce que il y avait quelque chose qui me semblait dépasser le simple cadre de l'actualité et rejoindre quelque chose de beaucoup plus universel qui permettait justement cette identification. Quelque chose d'un peu intemporel aussi, comme si c'était anachronique de faire ce trajet-là aujourd'hui, de prendre tous ces risques pour traverser la mer comme on le faisait il y a des centaines d'années. Oui, vous le soulignez d'ailleurs dans l'album, à un moment donné, où vos personnages regardent le ciel, voient un avion passer, puis disent, en une demi-heure, eux dorment, ils sont à destination, nous, on met des jours, on risque notre peau pour faire exactement le même trajet, finalement. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était un voyage qui permettait vraiment de... Enfin, pas qui permettait, mais qui donnait... qui faisait sentir vraiment réellement la distance telle qu'on la sent plus vraiment. C'est comme si l'époque faisait disparaître les distances. Mais les gens qui font ce trajet-là, ils ressentent vraiment le voyage du début à la fin et dans toute sa dureté, quoi. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est, comme vous l'avez dit, l'idée de l'album est née dans un contexte politique et social très particulier, donc ce printemps arabe, et en parallèle, il est publié dans un contexte social et humanitaire très particulier aussi, en lien avec cette crise des migrants ou des réfugiés clandestins qui fait rage actuellement en Europe. Donc on se retrouve dans une BD et deux contextes géopolitiques quand même majeurs, là. Oui, c'est vrai, et en même temps, je sais pas si je me sens forcément en phase exactement avec ça, parce que justement, un des principes de l'album était de sortir un peu de cette notion d'actualité, et d'essayer de prendre un autre biais. C'est pour ça que c'est pas un travail journalistique, par exemple. Je voulais éviter le ton habituel du reportage qui met d'emblée une distance avec le sujet, qui dit... On va regarder du dehors cet événement-là, et vraiment comme un phénomène extérieur. Moi, je cherchais plus à avoir une interprétation qui permette d'être au plus près, d'être dans un univers plus intérieur. Oui, bien. C'est pour ça que me retrouver comme ça avec l'album qui sort dans cette actualité, ça fait un effet peut-être un petit peu étrange. Oui, parce qu'en même temps, justement, comme vous l'avez dit, c'est l'idée de reproduire un peu le choc, entre guillemets, ou l'appropriation, si on peut dire, qui a été faite dans le reportage. Donc, quand vous l'avez vu, vous êtes mis à la place de cette personne-là, comme nous, lecteurs, on se met à la place de votre personnage. Il y a un côté romanesque plus qu'un côté documentaire à de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Bah, justement, moi, ça m'avait surpris en voyant ce documentaire, parce que c'est quelque chose que je ressens pas habituellement. C'est aussi lié au fait d'être abreuvé d'infos. J'avais tendance à ce moment-là à écouter beaucoup les informations, et donc j'étais victime, comme la plupart des gens, de cette espèce de sentiment très très blasé en fin de compte, et qui qui a tendance à ne plus vraiment ressentir grand-chose devant des informations qui s'enchaînent les unes après les autres. Et là, peut-être à cause de mon amour pour la Tunisie, qui était un pays dans un pays où j'allais souvent en vacances quand j'étais enfant, j'ai ressenti cette identification et j'ai voulu creuser ça, en fait, l'amplifier par le récit en sortant complètement du documentaire, mais tout en gardant quand même cet ancrage très, très réel et très contemporain. Et justement, de quelle manière on s'assure que ce qu'on raconte est véridique, ou du moins est suffisamment véridique pour que ce témoignage inventé-là ne relève pas d'une fiction, mais soit ancré dans une réalité? J'ai surtout regardé beaucoup de reportages. Ça m'intéressait parce que je voulais travailler en bande dessinée, et donc j'ai lu des articles aussi, mais les articles, c'était pour moi insuffisant parce que j'avais besoin d'images aussi et de m'ancrer dans des images. Et notamment, mon lien avec la Tunisie, il passe beaucoup par des images. C'est des souvenirs qui datent du coup de mon enfance, mais c'est très visuel aussi. Et pour moi, c'était un aspect vraiment important. Donc tous ces reportages qu'on peut trouver sur Internet, finalement, on peut se documenter de façon assez approfondie sans avoir à faire une démarche journalistique, en utilisant le travail journalistique qu'ont fait d'autres personnes, et c'est ce que j'ai fait pour cet album. Moi, ce que j'ai voulu apporter, c'était vraiment en tant qu'auteur et pour l'aspect fictionnel. Et votre personnage central, celui d'Hamza, qui quitte justement la Tunisie, qui traverse la Méditerranée pour se retrouver en France, vous l'avez créé humble, vous l'avez créé discret, et vous avez créé à travers lui une dynamique où votre récit jamais ne va tomber dans la plainte ou dans le pathos. Oui, je voulais à tout prix éviter ça, parce que tomber dans la plainte et dans le pathos, ça aurait été gênant, notamment par rapport à mon positionnement en tant qu'auteur vis-à-vis des gens qui font ce trajet-là. Quand on plaint quelqu'un, on se positionne d'emblée comme, pas forcément en position de supériorité, mais c'est presque en position de jugement. C'est quelque chose de tout à fait gênant. Moi, je voulais pas juger de l'extérieur, je voulais le ressentir comme si c'était moi qui le vivais. Et donc montrer ce personnage dans des sentiments complexes, qui ne soient pas simplement des sentiments de misérabilisme, en fait. Et à travers ça, question d'explorer aussi sa psyché, il y a certaines séquences, parce que le récit, globalement, Léopold Prudhon, si j'avais à l'écrire, j'aurais tendance à dire qu'il est très réaliste. À travers ça, il y a des séquences qui nous font sortir de ce réalisme-là, qui nous entraînent dans le rêve. Je pense notamment, évidemment, moi, c'est ce genre de truc que j'incite les gens peut-être à aller le voir plutôt que de l'écouter, mais bon, notamment une séquence où votre personnage regarde un poisson, il est sur le bateau, sur l'océan, le poisson submerge légèrement des vagues, et dans les profondeurs, finalement, donc on zoomate, si vous me permettez l'anglicisme, et on découvre des monstres, une panoplie de créatures marines qui suivent un peu vers le bateau, prêts à le dévorer au bout du compte. Donc, ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur les images. Pour moi, ce voyage-là, c'était un voyage qui s'incarnait aussi à travers des images et à travers un imaginaire. Parce que en voulant raconter cette histoire, je me suis forcément posé la question de qu'est-ce qui motive quelqu'un à entreprendre un tel voyage. Et j'étais pas satisfait par l'idée que les gens qui entreprennent ce voyage s'imaginent que tout ira mieux, qu'ils auront une vie facile ensuite. Les gens savent que ça sera difficile, ils savent que les risques sont très nombreux. Mais s'ils entreprennent ce voyage, c'est qu'il y a tout un imaginaire, qui est un mélange d'espoir et de peur qui les entraîne. Il y a quelque chose de très très profond et ancré dans l'inconscient, et j'ai voulu donner une réalité à cet imaginaire-là, le mettre sur le même plan que la réalité documentaire, et donc faire apparaître ces poissons monstrueux qui sont sous l'océan, parce que aussi quand on traverse l'océan comme ça, on doit forcément avoir une peur terrible de ce qui se passe en dessous. Et je voulais le montrer de façon très très visuelle. Oui, en fait, que comprendre qu'ils sont conscients que cette peur, elle est là, mais en même temps que le besoin de partir, dans le fond, est plus fort que ça. Et vous, à un moment donné, je pense, vos personnages se posent entre eux la question, mais pourquoi tu pars? Et leur réponse est toute simple, mais parce qu'il faut partir. Et vous choisissez de pas nous amener plus loin que ça. Finalement, c'est en tout et pour tout, il faut partir, point. Bah oui, je pense que j'ai pas de meilleure explication que ça à donner, parce que je voulais aussi donner droit à ce mystère-là dans l'album, faire exister ce mystère de la raison du départ. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis en place cet imaginaire dans l'album. C'est un imaginaire qui est lié à l'irrationnel. C'est pourquoi est-ce qu'on agit. C'est aussi le désir d'avoir une vie qui soit tout autre. C'est le désir de tout mettre en jeu. Et c'est presque comme un coup de poker. Il y a une dimension vraiment aventureuse là-dedans. C'est une sorte de choix qui est un peu fou d'une certaine façon et qui est quasiment impossible à expliquer. Donc ça me semblait logique que le personnage soit incapable d'en donner des explications précises qu'attend le personnage qui lui pose cette question. Et en même temps, on sent aussi, plus l'aventure avance, plus l'imaginaire se transforme. Et j'aurais envie de faire un clin d'œil à la façon dont vous présentiez les choses sur votre blog, où vous disiez, mais dans le fond, de Hamza, plus son rêve perd de sa consistance, plus son imaginaire s'étiole. Oui, c'était ça aussi l'idée, que cet imaginaire qui est quand même assez, assez sombre, qui épouse vraiment les formes de ses craintes à travers différentes incarnations, et malgré tout, il a une dimension positive, et quand on voit cet imaginaire qui s'épuise petit à petit et qui se voit substitué par rien du tout, en fait, par simplement une absence à la fois de peur et d'espoir, et on voit qu'il manque, que le personnage se met à manquer de substance, qu'il arrive, plus il approche de son but, plus il se voit dépossédé de quelque chose, en fait. Et une fois arrivé, il a plus rien à craindre, mais plus rien à espérer non plus. Donc il se retrouve dans cette espèce de vide existentiel, quoi. Oui, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien en termes de renversement que vous amenez dans de l'autre côté, dans la mesure où, d'une certaine façon, on ferme le bouquin en se disant, ben, OK, finalement, le danger n'est pas nécessairement les risques du corps, la faim, la maladie, la mort, les risques diplomatiques, le renvoi, l'argent, la recherche de travail. Mais au bout du compte, le danger là-dedans, c'est comme vous le dites, c'est la notion de la perte d'espoir, de la perte des craintes, de la perte de l'imaginaire, de la dépossession, finalement, qui vient peut-être avec des situations comme celle-là, de la dépossession de ce qui fait qu'un homme, au sens large, qu'un homme ou une femme sont des humains, finalement. Ben oui, c'était ça qui m'intéressait, d'essayer d'éviter d'utiliser une dramaturgie trop évidente et avec laquelle je ne me serais pas senti à l'aise de toute manière et que je n'aurais pas su montrer, parce qu'il y a des tas de migrants qui meurent en mer, qui vivent des destins réellement tragiques et je ne voulais pas que mon personnage vive ça parce que je n'aurais pas su le montrer et je voulais montrer un destin plus commun, un destin où il réussit, mais enfin, l'échec est contenu dans sa réussite, en fin de compte. Et, il est réussi, il arrive, mais sa tragédie, elle arrive dans un second temps, d'une certaine façon. Et tout ça dans un dessin que vous avez choisi très sobre, en noir et blanc. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce style d'univers visuel-là? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà mes goûts personnels en bande dessinée, où j'ai pensé pas mal à Alex Siner de Munoz, notamment, qui est une de mes références. Et il y a aussi le fait, du point de vue du sens, je trouvais le noir et blanc utilisé avec des grandes surfaces sombres intéressant pour montrer une forme d'abstraction des paysages qui sont à la fois réels et imaginaires, et pour montrer une dichotomie, une opposition entre deux mondes. Il n'y a pas de demi-teinte. Il y a le monde du noir et le monde du blanc. Et il y a une inversion entre les deux. Il y a des jeux qui sont possibles, mais on est toujours dans l'un ou dans l'autre. C'est un écho permanent. Oui, et ça donne des belles compositions aussi, ou simplement en jouant avec les lignes et avec les masses. Je pense par exemple quand on se retrouve sur dans le camp de réfugiés à donc l'île de Lampedusa, et où ces réfugiés-là dorment dans des sacs de plastique, dans des body bags en fait, et finalement les corps qui dorment deviennent les corps morts un peu, et on se retrouve devant cette mer presque finalement, de ce flot d'hommes perdus. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'était essayer de jouer formellement sur l'idée de correspondance, d'avoir des correspondances qui soient à la fois imaginaires, mais qui prennent forme. Et ça, c'est quelque chose que la bande dessinée permet et que je voulais utiliser. Oui, en fait, c'est j'ai l'impression de plus en plus, d'ailleurs, on voit le médium BD explorer un peu des sujets d'actualité, des sujets sociaux, sans nécessairement prendre position, que ça ait du documentaire ou du témoignage inventé ou non. Et je pense que ce sont des exemples qui montrent justement le potentiel, parce qu'on revient toujours à l'émotion ressentie par le lecteur, partagée par l'auteur, et c'est dans des séquences comme ça qu'on découvre ou qu'on se rappelle le potentiel poétique, finalement, du 9e art. Bah, je trouve ça intéressant d'utiliser vraiment les potentialités de la bande dessinée, ses qualités propres, pas d'essayer de faire en bande dessinée ce qu'on pourrait faire avec une caméra, en fait, de faire en bande dessinée ce qui ne peut être fait qu'en bande dessinée. Même si une de mes références, peut-être que c'était pas une référence sur le moment, mais a posteriori, c'est aussi une œuvre qui n'est pas une œuvre de bande dessinée, mais un film d'animation, qui est le film d'Harry Folman, Valse avec Bachir, où il y avait justement cette idée d'avoir une réalité très très documentaire, très actuel, mais qui laisse vraiment la place à un univers extrêmement chimérique qui soit en lien avec l'inconscient de l'auteur et qui est lui-même le personnage principal. Et tout ça pour vous, Léopold Prudhon, ça a été un peu une BD d'apprentissage aussi, dans la mesure où il y a 65 pages qui ont été dessinées dans le cadre de vos études, ensuite la balance est venue par après, donc vous avez aussi exploré, appris, vous êtes approprié le médium avec de l'autre côté. Oui, c'était un moyen d'apprendre à faire de la bande dessinée. J'avais eu l'occasion de faire des petits projets dans le cadre de mes études en école d'art à Paris. Mais c'était le premier projet au long cours comme ça. Et donc c'était une façon de découvrir tout en le faisant. Ce qui explique aussi certains choix, peut-être le choix déjà de m'appuyer sur une base documentaire comme celle de reportage que j'avais vue qui me permettait de pouvoir déjà avoir comme un tuteur, de pouvoir être conduit quelque part et d'avoir une trame de récit très linéaire. Et aussi, ce qui explique peut-être le choix du noir et blanc, ce qui permet quand même d'avoir moins de choix graphiques à faire et de pouvoir se reposer dessus. Et en même temps, la trame linéaire, j'ai l'impression que c'est, sur papier, elle peut paraître simple, mais dans les faits, on se rend compte que la ligne, finalement, est tout sauf droite, là. Oui, c'est vrai, mais j'ai voulu quand même vraiment découper l'album et le structurer. Il y a notamment des chapitres, 4 chapitres à peu près égaux, qui marquent vraiment des étapes dans l'album. Et pas tout montrer, en fait, m'arrêter sur des moments, ce qui était lié aussi au fait que j'avais une contrainte de temps à ce moment-là du fait de mon diplôme. Et donc avoir des moments forts avant le départ, la traversée de la mer, puis l'île de Lampedusa, et enfin l'arrivée en France et ce qu'est sa vie en France. Il y a vraiment quelque chose de très découpé comme ça. Oui, avec des noms évocateurs d'ailleurs aussi, gangrène, amputation, greffe. Donc, question oui, j'étais parti sur cette idée au départ. J'avais vraiment très envie d'être dans l'analogie ou la métaphore. Et donc j'avais pensé à un certain nombre de métaphores en rapport avec l'immigration et ça m'évoquait notamment le... comme s'il y avait un rapport d'échelle, comme si les pays étaient des êtres organiques et qui souffraient quand on arrachait certains de leurs éléments et que d'autres pays avaient tendance à rejeter la greffe qui leur était faite. Il y avait quelque chose là qui me semblait intéressant à creuser. Et on peut découvrir évidemment le rendu de tout ça avec cette bande dessinée qui s'appelle, je le rappelle, De l'autre côté, c'est aux Enfants Rouges. Un premier projet pour vous, est-ce que ça débouche vers d'autres projets également? Oui, bien sûr, j'ai d'autres projets. Là, je suis encore étudiant, donc je fais des projets qui sont aussi dans le cadre scolaire, et ce qui me permet d'explorer encore d'autres pistes. Je pense que mon prochain projet n'aura pas grand-chose à voir avec celui-ci, sinon... pour l'aspect imaginaire, mais il ne reprendra pas l'aspect documentaire. Alors ben, d'ici là, on en a déjà un à découvrir. En attendant la suite, Léopold Prudhon, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Au plaisir. Alors voilà, je Bonne le rappelle. Journée. Bonne journée. Alors je le rappelle, De l'autre côté, c'est aux Enfants Rouges, donc bande dessinée de Léopold Prudhon. Nous, on retourne en musique avec un extrait de Marc Donardo. You're just a muse, yeah, you're my friend. You went west coast on heroin. I lost my horse riding to town. Wish you would mail me electric drums, yeah. I heard your tape, but it was so. Played it six times, rocked it and rolled. Thought of New Year's when we made out. I polarize of you on my white painted wood wall. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Évidemment, votre magazine consacré au 9e art. Et j'aime bien, ben, sporadiquement ou assez régulièrement, vous parler d'albums que j'ai eu le plaisir ou l'occasion de lire. Et cette semaine, ben, il y a un titre qui s'est imposé de lui-même. En fait, je l'ai reçu dans les différents envois que j'ai la joie de recevoir. Et ben, comme toujours, en fait, je veux dire, on reçoit un album, on le feuillette, on lit quelques pages, après ça, ben, on le met de côté, on fait d'autres choses, et on y revient. C'est en général ce qui arrive, mais dans le cas spécifique de cet album-là, il y a comme pas eu la notion de dépôt à proprement parler, donc finalement, pendant à peu près tous les moments où je pouvais me saisir d'un objet et porter mon attention vers cet objet-là, eh ben, c'est lui qui est resté dans ma main, là. Littéralement, je n'ai pas pu déconnecter de cette bande dessinée. Alors, je vous dis d'emblée, recommandation les plus chaleureuses pour cet album, c'est des récentes publications du côté de la Pastèque, donc un nouvel opus de Benjamin Adam qui s'appelle Joker. Benjamin Adam qui avait donné notamment, plus récemment, en fait, l'article est Prévert qui avait été primé ça et là, un peu avant 2 mm, que j'avais moins apprécié pour diverses raisons. Mais dans Joker, ma foi, mon Dieu, quelle bonne BD. Voilà, c'est dit, c'est clair. Donc essentiellement, qu'est-ce qu'on trouve comme trame? Donc, je vous donne un point de départ, peut-être, parce qu'après ça, le chemin est assez agréable. Donc, c'est trois cousins qui se retrouvent pour jouer à ce qu'ils appellent le 8 américain. Donc, le 8 américain, donc c'est jouer au 8, là, finalement, si on veut faire simple. Et ce qui se passe, c'est que le gagnant a le choix de la vie qu'il peut prendre dans le courant de la semaine. Dans la mesure où il y a deux cousins qui ont une famille, qui ont des travaux de type col bleu, et l'autre ben est un peu l'héritier, si on peut dire, de la grande fortune familiale, et vit seul dans un immense noir. Évidemment, cette vie en solitaire cache un élément trouble, c'est-à-dire que pour être là et pour s'assurer d'avoir cet héritage, eh bien, il avait tué sa mère après le décès de son père. Donc, bref, circonstances assez troubles. Et donc, la vie va comme ça, tout simplement, jusqu'à ce que quelque chose fasse changer le cycle et amène cet équilibre trouble à tomber complètement. Et ensuite, ben, on découvre justement les circonstances dans la suite de cette chute à travers le regard d'une série de protagonistes. Chaque chapitre nous amène, en fait, et est nommé en fonction du regard à travers lequel on va découvrir la scène. La scène qui a un rapport direct ou en apparence plus éloigné avec ce qui vient de se passer et qui nous donne différents éclairages où on suit donc différentes situations mais à travers différents points de vue, différents regards jusqu'à ce dénouement final qui est pas nécessairement celui auquel on s'attendait. Alors ça donne un peu le ton et vraiment ben ça montre aussi la qualité scénaristique, je pense que c'est clair, de Benjamin Adam, dans la mesure où dans ce type de récit il y a toujours le risque de s'y perdre si le scénario n'est pas bien ficelé, si les points de vue ne sont pas suffisamment clairs, si les liens entre les différents segments sont trop ténus. Et ici ben non, bien au contraire, ça fonctionne très bien et à tous les niveaux. Donc l'univers est concret, il est cohérent, il est logique, il récompense le lecteur attentif, le lecteur qui s'immerge dans l'univers qu'il propose, et lui, à travers ce scénario et à travers aussi son dessin, à travers le ton et l'ambiance qu'il mène dans la série, ben favorise aussi l'immersion de ce lecteur, donc qui fait un peu à mon image, mais dans le fond, qui est happé, qui est prisonnier de cette bande dessinée-là jusqu'à temps qu'on passe à travers les 128 pages. Alors, ce qui est quand même un bon volume d'ailleurs. Alors, ben voilà, en fait, c'est vraiment, on passe entre humour noir, une petite dynamique de thriller à la limite aussi, mais surtout, ben en fait, un joyeux puzzle qui s'assemble, dont la fin se laisse entrevoir, mais pas nécessairement voir. Un dessin qui est classique, qui est pas trop rigide, qui est efficace, qui fonctionne, des personnages qui sont mi-caricatural, mi-réaliste. On joue, en fait, vraiment un jeu, une maîtrise là, des niveaux dans cet album-là. Et vraiment, là, En fait, je n'ai que des bons mots à dire sur Joker de Benjamin Adam, et je pense que je cesserai mon hommage ici en vous rappelant simplement ou en vous enjoignant à l'occasion d'un détour chez votre libraire, d'aller y jeter vous aussi un coup d'œil, et peut-être à mon image, mais de vous laisser charmer par cet album très solide qui vient de nous être offert du côté de la Pastèque. Donc, je le rappelle, Benjamin Adam, Joker. Extrait de Mark DeNardo, toujours tiré de cet album Lion Bear Tiger sur l'étiquette 8-Bit People. En vous rappelant également que vous pouvez trouver toutes les émissions qu'on vous offre ici à La Vie en BD en balado-diffusion sur notre blog, lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil l'auteur, dessinatrice et également éditrice Annie Groovy. Bonjour. Allô? Alors, la dernière fois qu'on avait eu l'occasion d'échanger ici à La Vie en BD, on était un peu dans une situation un peu plus trouble, un peu plus triste. Les nouvelles préoccupantes pour oui. se replacer en plein cœur du litige quant aux droits d'auteur ou dans le contexte de la faillite de la courte échelle. Et là, fast forward quelques mois plus tard, on te un retrouve... Un an plus tard, exactement, oui. en fait. Oui. Au jour pour jour, en fait, date anniversaire. Presque, oui. Alors, enfin, on te retrouve sous une nouvelle administration. La courte échelle est sur les rails, mais de ton côté, tu as repris possession de tes droits d'auteur et lancé ta maison d'édition. Donc, j'imagine qu'on respire mieux cet automne que l'automne dernier. Là. Oui, vraiment beaucoup. Là. Surtout, j'ai récupéré mes droits. C'est ça la grosse, le gros enjeu. Là. Ça veut d'avoir perdu les droits sur mon personnage de Léon. Donc là, j'ai récupéré ça. Ça a été laborieux, coûteux, mais en tout cas, c'est passé, c'est fini, je les ai. Et j'avance maintenant, là, je peux... on passe à d'autres choses, là, c'est oui, réglé. En fait, je me rappelle d'ailleurs une entrevue où t'avais dit avoir mis de côté un peu les redevances qu'ils te devaient, mais que l'important, c'était vraiment les droits, là. Oui, oui, effectivement, là. Et justement, en fait, est-ce qu'on a l'impression, avec cette maison d'édition-là, que là, t'as une latitude plus grande, peut-être, pour poursuivre le développement de cet univers-là que tu construis depuis déjà quand même pas mal d'années? Oui, mais j'avais quand même une très grande liberté de création avec la courte échelle, quand même, là, après 10 ans, à un moment donné, bon, ils me laissaient pas mal faire les projets que je voulais, donc là-dessus, ce sera pas vraiment différent. Par contre, si je veux faire un autre projet qui est pas avec Léon, avec un autre personnage ou n'importe quel autre projet, ben c'est certain que j'ai pas besoin d'aller voir un éditeur, j'ai juste à le faire, là. Donc, c'est beaucoup plus simple, alors, à ce niveau-là, oui, ça va être avantageux. Là. Et j'imagine que l'idée pour la période à court terme, ou du moins pour le court terme des derniers mois aussi, c'est vraiment d'asseoir les fondations de cette nouvelle maison d'édition-là. Oui, exactement. Puis aussi, moi, il faut que je continue là, la transition. Il faut que j'assure la transition des œuvres, en fait, parce que la courte échelle a gardé les livres papier de Léon qui restaient, là, les livres livres. Mais dès qu'il y a des titres qui sont épuisés, moi, je dois les réimprimer, en fait. Si je les réimprime pas, ben à un moment donné, il n'y aura plus de Léon, là. Alors, c'est ça, au début, là, il faut que... Puis j'ai quand même 56 titres, et là, j'en ai 3 de réimprimer, puis une nouveauté. Donc, j'en ai 4 sur 56, alors il va falloir que je me dépêche, là, au fur et à mesure que les livres seront plus en distribution, moi, il faut que je les réimprime, là. Donc, ça, c'est, au début, c'est un peu ça, ma tâche, là, puis essayer de faire une nouveauté au moins une ou deux par année aussi, là. Oui, pour garder le rythme, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que ça rajoute un peu à la dynamique de se dire, OK, oui, là, je suis dessinatrice, je suis scénariste, mais aussi je suis éditrice? Oui, mais comme je faisais, tu sais, j'étais beaucoup impliquée quand même. Je faisais beaucoup de mes trucs, mes propres, je designais mes propres affiches, mes signets, je faisais déjà des salons. Donc, c'est sûr que ça, j'avais déjà un peu l'expérience. Donc, c'est un petit peu plus de travail, mais j'en faisais déjà beaucoup. Donc, c'est pas, tu sais, je pars pas de, c'est pas tout à fait tout nouveau, là. Enfin, donc, à limite, la question, ce sera pas quel pourcentage de droits d'auteur j'ai déjà, mais. Ça va être plus de faire rouler l'entreprise, finalement. Oui, faire rouler ça, puis aussi la promotion, là. Faut que je me fasse connaître, j'ai des salons, que je fasse un peu de la publicité, mais évidemment, j'ai pas les moyens d'une grande maison d'édition, donc j'essaie de de tout faire, là, le mieux que je peux, là, mais puis ça fait à peine un an, là, la maison d'édition. En fait, je l'ai fondée le 14 décembre, là, précisément. Alors, ça fait même pas encore tout à fait un an. Alors, je vais apprendre, je vais apprendre sur le tas, là, comme on dit, là. Plus ça va, j'ai beaucoup d'amis aussi qui me conseillent, des dans le domaine, on se connaît tous, donc j'ai beaucoup d'appui, j'ai beaucoup de conseils, donc. Ça devrait bien aller. Et Annie Groovy, comme tu disais tantôt, t'ouvre la porte aussi, si jamais le besoin s'en fait sentir, de développer d'autres personnages via Groovy Édition. Est-ce qu'éventuellement, tu dis, ben, pas sur le court terme, mais à moyen terme, peut-être d'autres auteurs aussi? Ou? Ouais, ça, on me le demande souvent, parce qu'en fait, j'ai dit que j'avais parti de maison d'édition, mais c'est plus de l'autopublication. Mm-hmm. Je me suis quand même donné un nom Groovy Édition parce que je me suis dit, bon, je vais quand même me donner un nom de maison d'édition, mais pour l'instant, c'est juste moi que je vais publier, mais je suis pas fermée à l'idée de publier d'autres personnes. Par contre, ça prend beaucoup de temps et en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Justement, j'ai pas beaucoup de temps de création parce que je fais beaucoup de gestion, j'ai beaucoup dans les écoles et j'aimerais ça me remettre à créer un peu plus. Donc, si jamais là, ça devenait vraiment vraiment gros puis que je pouvais engager du monde, je dirais OK, j'aurais toute une équipe qui pourrait gérer ça puis moi, je pourrais continuer à créer puis en même temps avoir une maison d'édition. Mais pour le moment, là, gérer ça, les autres auteurs, lire les projets, non, ça regarde long terme. Ouais, mais je dis pas non, là, on sait jamais. Et en parallèle, il faut dire, justement, tu mentionnais qu'il y a quand même pas mal de projets sur la table. Évidemment, les écoles, c'est un incontournable dans ton cas, les salons, la promotion, la création. Il y a la télévision aussi qui se poursuit. Oui. Deux belles annonces qui ont accompagné aussi le lancement de Groovy Édition avec l'arrivée du nouveau Léon. C'était donc une troisième saison de dessin animé, 52 nouveaux épisodes et plus aussi une nouvelle ouverture vers le marché chinois. Oui, les Chinois, ils vont coproduire, c'est eux qui font le studio d'animation, et là-bas, c'est eux qui vont animer les dessins animés. Puis ils vont aussi, suite à ça, là, donc ils vont diffuser les dessins animés en Chine, mais ils vont aussi faire du multiplateforme, c'est-à-dire développer Léon en toutes sortes de, bon, en figurines, en toutous, en valises. Ils veulent vraiment développer ça le plus possible, là, développer le marché là-bas. Donc, si ça fonctionne, ça pourrait être super, là. C'est un assez gros marché quand même. Oui. La Chine, donc on compte un peu là-dessus. Ce serait vraiment, ça commencerait très bien, disons, la première année de Groovy Édition. Et en parallèle, le produit télévisuel existant ici, j'imagine aussi que c'est des outils précieux dans la diffusion d'un personnage, dans permettre d'aller du livre vers le médium télé ou d'amener justement de l'écran vers le livre aussi, des nouveaux lecteurs. Ouais, c'est un super complément parce que souvent, bon, les enfants, je leur demande là, dans les salons où est-ce qu'ils ont connu Léon, puis des fois ils me disent je l'ai vu à la télé, je savais pas qu'il y avait des livres, le contraire. Donc c'est sûr que c'est vraiment un bon complément. Puis la télé, c'est sûr que ça rejoint plus de monde, là, effectivement. Donc, c'est super d'avoir ça aussi. Là. Mais un peu à l'image des livres aussi, où, dans le fond, qui se déclinent dans différents tons aussi, dans différents types d'ouvrages, où c'est Léon qui est en scène, mais encore là, c'est pas toujours le même format non plus. Donc, ça permet d'élargir, en fait, cette variété qui est déjà présente sur l'imprimé. Oui. Puis aussi, vu qu'il n'y a pas de paroles, parce que dans les livres, au début, Léon, il parlait pas vraiment. Puis à un moment donné, j'ai mis des petites bulles de pensée, fait qu'il parle pas vraiment. Et en dessin animé, ça, c'est bien, parce que ça peut être diffusé partout dans le monde, en fait, parce que ça parle pas. Donc, c'est ça, là. C'est facilement exportable. Et j'imagine, en fait, des fois, quand on part d'un ouvrage qui n'est pas pensé nécessairement pour une adaptation dans des médiums animés, ben, au niveau du dessin du personnage, il n'est pas nécessairement non plus designé pour ces nouveaux supports-là. Mais dans ton cas, tu avais quand même, au départ, eu l'instinct de faire un personnage qui était, somme toute, expressif, mais simple aussi en même temps. Ben, j'ai pas, je me suis pas dit, je vais faire un personnage simple. J'ai juste dessiné comme je sais dessiner. Puis, c'est ça que ça a donné. Je dessine toujours comme ça. Moi, je suis plus une griffonneuse qu'une dessinatrice. Donc, c'est vrai qu'il est super simple, mais il est quand même expressif. Puis, effectivement, pour les dessins animés, c'est pas toujours évident parce qu'il y a juste un œil, il n'y a pas de sourcils. Il y a des petites jambes. En tout cas, les animateurs sont bons parce qu'ils réussissent vraiment bien à l'animer là, dans toutes sortes de, il vit toutes sortes d'émotions puis ça passe super bien là. Et parallèlement, on l'avait mentionné, Annie Groovy, évidemment, avec aussi l'annonce de cette nouvelle structure et ben, le retour aussi avec une nouveauté. Léon et ses dictons, qui est arrivé il y a quelques semaines aussi, dans la suite de l'expression Léon et. Ici, tu choisis de t'intéresser donc justement aux dictons, à la culture, au savoir populaire. Pourquoi, après s'être intéressé aux expressions, aux bonnes manières, à l'environnement, aux inventions, traditions, émotions, mystères et autres, pourquoi les dictons maintenant? sais-tu, j'essaie toujours de trouver un nouveau sujet. L'espèce de challenge, le défi, c'est que les livres maintenant sont un peu partout. Il y en a en Chine, il y en a dans d'autres pays. Donc là, les sujets doivent être assez pas internationaux, là, mais en tout cas, faut que ça traverse les cultures, dans le fond. Oui, c'est ça. Et je sais que mon premier livre, Léon et les expressions, avait été très populaire, mais c'est des expressions plus pointues, plus locales peut-être. Et là, je me suis dit, je pourrais faire un autre genre de livre comme ça sur les un peu principe expression, mais des dictons qui est plus comme des petites morales, là, des petites leçons de vie. Et ça peut être partout, on peut utiliser ça partout. Puis, j'essaie toujours aussi d'apprendre un petit quelque chose, d'enseigner un petit quelque chose aux enfants, de les faire réfléchir. Puis, les dictons, je trouvais ça intéressant. Donc, comme par exemple, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, avec des si on va à Paris. C'est drôle aussi, c'est des petites phrases rigolotes. Puis, c'est fun, ça fait réfléchir, là. Oui, en même temps, ça reste un bon défi. Je me suis donné le défi de me dire, OK, comment je suis capable, en un paragraphe et en trois images, d'expliquer un proverbe? Oui. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si évident que ça, mais j'ai toujours, je sais pas si j'ai une facilité, là, mais j'y arrive quand même assez facilement, là, à faire ça. Puis c'est sûr qu'au début, il y a plus de lignes, puis là, je coupe, puis je me dis, c'est quoi l'essentiel? Puis je sais que je parle à des enfants aussi, donc il faut rester simple, puis il faut pas commencer à expliquer, partir, là, dans des explications super compliquées. Donc, j'essaie, je me dis, bon, là, si je parle à un enfant de 5-6 ans, là, comment j'y expliquerais ça? Puis j'essaie de... Si ça dit l'essentiel, ça aurait pu être encore bien plus long, là, mais j'essaie de... d'y aller là, à l'essentiel. Oui, en fait, de garder un fait, de se dire, OK, peut-être au niveau attention, trouver les mots qui vont comprendre. Parce que ça reste, en fait, on parle beaucoup du côté BD, en fait, de la précision du langage, mais je pense qu'aussi en édition jeunesse, c'est le même défi. Je veux dire, il faut trouver le bon mot qui veut dire la bonne chose, mais s'assurer aussi que c'est un mot qui a un risque positif d'être acquis ou d'être en voie d'être acquis par le public cible qui est quand même en acquisition, justement, de langage, de savoir, de connaissance. Oui, puis j'essaie d'utiliser des mots, c'est quand même... des mots des fois un petit peu plus compliqués, puis quand ils sont trop compliqués, mais je mets en dessous là une petite astérisque, puis j'explique ce que ça veut dire, fait qu'ils peuvent quand même apprendre des nouveaux mots. Mais sinon, c'est quand même assez facile à comprendre, mais avec des beaux mots là quand même, je fais quand même l'effort là de ben il faut ben oui c'est ça. Et en même temps, il y a un plaisir aussi, j'ai l'impression, à les introduire, à les amener vers justement les notions de sagesse populaire, donc de tomber dans la morale sans faire de la morale d'une certaine façon. Ouais. Aussi ça, c'est pas toujours facile, mais j'avais aussi Léon les bonnes manières, qui est un peu dans cet esprit là de dire, bon, faut pas faire ci, faut pas faire ça, puis faut pas que ça soit trop moralisateur. Mais les enfants, je sais pas, avec l'humour, hein, on peut passer bien des choses, là. Donc, je pense qu'ils voient pas ce côté-là. Ils lisent, puis c'est pas moralisateur, mais il y a quand même une petite phrase à la fin, comme par exemple, les murs ont des oreilles. Je dis, bon, on sait jamais, là, que quelqu'un pourrait entendre quand tu dis quelque chose. Puis à la fin, je dis, mais sais-tu qu'il existe un truc vraiment efficace pour éviter ce genre de situation? Ne jamais dire du mal de personne, tu sais. Fait que c'est comme... il y a c'est comme une blague, mais en même temps, c'est une petite morale, là, mais c'est toujours apporté, tu sais, c'est toujours amené, c'est ça, de façon humoristique, je me prends pas au sérieux, je suis pas en train de dire, hey, sais-tu que, tu sais, je sais pas, il y a un ton aussi plus sympathique, là, qui fait que oui. Ça passe mieux. Oui, puis ce qui fait aussi que les enfants reviennent vers cette série-là de manière générale, on s'entend. Oui, c'est... ils sont vraiment, ils l'aiment vraiment, en tout cas. Oui, puis j'ai vu même en fait qu'il est utilisé c'est dans certaines classes justement dans des éléments pédagogiques parce que les professeurs aussi doivent à un moment donné faire apprendre des expressions, des choses comme ça. Donc oui. ça devient un support aussi même pour l'enseignement à certains degrés. Oui, mais au début c'était même pas ça le but. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire comme livre? Puis je trouvais que des expressions, on avait vraiment des drôles comme donner sa langue au chat. Bon, ben Léon prend sa langue et donne au chat, c'est simple, mais ça s'est mis à avoir un très gros succès parce que justement, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que les professeurs enseignent ça à l'école, donc ça a commencé comme ça. Puis après ça, avec les autres sujets aussi, là c'est certain que moi je suis pas enseignante, fait que je sais pas exactement ce qu'ils apprennent, mais c'est toujours des sujets quand même généraux. Là, je me dis bon, ben même si ça s'apprend pas, même si c'est pas dans le programme d'études à l'école, ben il y a quand même plein de petits trucs à apprendre. Là. Et en terminant, le choix des 30 proverbes que tu proposes dans Léon et les dictons, est-ce que ça s'est fait... En fait, comment tu les as choisis? En fonction de ton inspiration, d'une variété ou... J'ai essayé de varier. J'ai essayé aussi de trouver des dictons qui allaient, qui étaient proches des enfants, là, pas des choses trop... trop compliqué ou tu sais comme par rapport à l'argent là, je voulais pas en mettre mais j'ai marqué bon l'argent fait pas le bonheur, mais là je me disais bon ça OK, mais là j'ai vraiment fait une liste, j'en ai éliminé, puis j'ai ça a été long avant d'avoir ma liste de 30 là, mais j'essayais d'en avoir des drôles comme avec des animaux là, les singes, voyons c'est quoi donc le les grimaces là, on apprend pas un vieux singe à faire des grimaces, fait que ça j'ai dit ah, ça c'est rigolo, puis t'sais, j'imagine aussi déjà un peu ma BD en fonction du dicton. Des fois, le dicton, il est bien bon, mais comment j'illustre ça, là, je sais pas comment, fait que je l'élimine. Donc, c'est vraiment, tout se passe là, c'est tout au début, là, trouver les 30, puis après ça, ben ça va mieux. Alors, ben, on découvre, je le rappelle, donc, tout ça dans Léon et les dictons. Donc, première parution de Groovy Édition, première nouveauté, en fait, devrait-on plutôt dire, de Groovy Édition. Annie Groovy, on se dit à la prochaine. OK. Merci. Salut bien. Bye. Alors voilà, donc je rappelle Annie Groovy, donc nouvelle éditrice chez Groovy Édition également, ben avec ce nouvel opus qui s'appelle Léon et les dictons. If I fly away, I will return to you. And if I disappear, I'll reappear in a day. I'm Ah, voilà, dernier extrait de Marc DeNardo. Et ben, peut-être avez-vous vu ça passer, peut-être y êtes-vous allé cette fin de semaine, nouvelle édition du Comic-Con de Québec, deuxième édition d'ailleurs, donc avec quand même pas mal de monde qui se sont présentés du côté du Centre des congrès. On parle de 10 000 personnes cette année selon les organisateurs. Et ben ceux-là qui étaient sur place pour explorer l'univers principalement geek, partir à la découverte de la culture populaire qui est toujours à l'honneur avec notamment les grandes séries de science-fiction, la sphère du manga, des jeux vidéo, des incontournables également comme les comics à l'américaine. Et entre cosplay inspiré et fan art, eh ben on retrouve aussi un autre axe qui, au fil des années, semble devenir un incontournable, la bande dessinée au sens plus large, inspiration franco-belge. Et eh ben il y avait quand même plusieurs gens justement de ce milieu qui étaient sur place, une belle portion justement des invités et des kiosques de l'édition 2015. Alors j'ai été à leur rencontre, notamment l'organisme Québec BD qui avait, tout comme à Montréal cet été d'ailleurs, pignon sur rue, avec un stand dédié aux auteurs de la région de Québec, comme l'équipe de Stat ou encore Mario Malouin. On s'est aperçu, c'est que dans les Comic-Con, c'est sûr que c'est avant tout dédié à une culture plus américaine, de culture pop américaine, mais étant dans un endroit francophone comme Québec, on s'est dit, ben pourquoi pas justement faire connaître un peu la BD d'ici, les auteurs d'ici. Donc, c'est une initiative-là de Québec BD, c'est effectivement de faire connaître les auteurs, en fait, avant tout de Québec, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de la ville ici. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les auteurs dessiner, ce que les gens aiment bien aussi. Alors, je pense que c'est une belle vitrine pour les auteurs, pour le public, de voir les auteurs en train de travailler, en train de dessiner. Alors, ça, c'était Patrick Marleau, responsable du kiosque de Québec BD. Il faut dire que pour certains, mais le pont se fait de manière tout à fait naturelle. Après tout, on a des éditeurs comme Front Froid ou le studio Lunac, ou encore des collectifs comme Zidara 9, font déjà dans la BD de genre, offrent déjà des publications au ton ou en format qui sont dans la lignée de ces comics. On écoute Rémi Paradis. C'est une bonne vitrine pour la BD de genre, puis aussi comme l'horreur. Vu que c'est l'Halloween, ben je pense avec le public qui se déguise puis qui vient aussi visiter un peu l'endroit, ben il vient un peu retrouver quelque chose d'horreur ou de science-fiction, là. En tout cas, dépendamment de ce qui s'intéresse là-dedans. Là. Et un son de cloche similaire d'ailleurs également du côté de Gauthier Langevin du studio Lunac. On est pas mal influencé par le comic book américain, donc pour nous c'est un peu naturel d'aller dans les Comic-Con. On est dans les Comic-Con à Montréal depuis quelques années, ben depuis que le studio existe en fait. Puis pour nous c'était vraiment une grande opportunité de venir à Québec parce que justement ça nous permet de rejoindre un marché qui va pas nécessairement en salon du livre ou en festival de BD d'influence plus franco-belge. Donc c'est ça, c'est très agréable de voir que ça se développe à Québec aussi. Pour les artistes, c'est une opportunité de vendre des commissions qu'on appelle, donc de l'art sur demande que les participants à la convention vont demander aux artistes en échange et d'argent et de, évidemment. Il y a beaucoup plus de ventes de prints, d'impressions, de lithographies. C'est un peu à mi-chemin entre le festival de BD et l'exposine pour ça, je te dirais. Mais c'est sûr que pour les artistes, c'est une manière de rentrer dans leur argent supplémentaire, là, de vendre des commissions. Donc, d'une certaine façon, comme il l'a dit, ben il y a déjà cet élément-là de distinction entre les festivals de BD et le Comic-Con, donc la demande de dédicaces qui domine dans les festivals de BD. Du côté des Comic-Con, donc une demande accrue pour les originaux ou les impressions. Et vraiment, en fait, ce qui semble dominer l'intérêt des éditeurs, c'est l'idée d'aller chercher, justement, d'aller à la rencontre d'un autre public. On écoute Luc Bossé des éditions Power Power. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu trouves un public que tu ne rejoins pas habituellement dans les salons du livre, les réseaux traditionnels, de sortir de ce chemin-là pour nous autres, tu tombes sur du monde qui cherche le genre de BD que tu fais, mais qui l'ont jamais vu parce qu'ils vont pas dans les librairies. Donc là, c'est le fun d'avoir des nouveaux lecteurs. Et au-delà de cet élément-là, évidemment, les stands s'orientent aussi différemment d'un cadre à l'autre. Exemple, chez Pawpaw, Luc Bossé me disait qu'on choisissait de mettre l'accent sur certaines publications qui, espère-t-on, plairont aux amateurs de science-fiction ou d'horreur. Donc, des séries comme Motel Galactique, des albums comme 23h72 ou Les Cousines Vampires sont mis à l'honneur. Chez d'autres, comme les créateurs du fanzine Copinet Copino, on avait misé dans le passé sur le jeu vidéo. Question de faire le pont entre les différents médiums et univers. On écoute Julien Dallaire-Charret. C'est pas la même foule, mais en même temps, c'est que du nouveau. C'est des gens qui nous découvrent, mais ça prend les curieux parce que nous, en effet, on fait pas de manga ou de super-héros ou de trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont là. Surtout, comme l'an dernier, on avait sorti le jeu vidéo qui venait en ajout avec un des livres. Ça avait vraiment bien marché. Les gens étaient curieux, le petit aspect rétro. Ça ouvrait la porte à voir de la bande dessinée indépendante de la ville de Québec. Du coup, c'est une belle vitrine pour ça. Et au final, ben la clé pour ces créateurs, c'est de s'adapter, c'est de voir quel type d'activité va susciter de l'intérêt pour le public. Tout ça question de faire découvrir à d'autres leur production, de profiter des nombreuses personnes qui se déplacent pour l'occasion au centre des congrès, quitte pour certains à mettre en valeur leur production de fan art aux côtés de leur production BD, comme c'est le cas pour l'auteur de Super Crash, Yves Bourgelat. Moi, je suis plutôt séparé de ce que je fais dans le cadre des festivals et des salons du livre. Moi, ici, au Comic-Con, j'entretiens plus mon côté fan-art, parce que c'est un petit peu ça, un Comic-Con. C'est la fête des fans. Tu sais, les gens qui se costument, puis tu sais, qui vraiment montrent leur passion. Moi, j'ai une grande passion pour le jeu vidéo, puis je la transmets via mon illustration, en plus de vendre, évidemment, mon stock original. Ah, voilà, donc, regard sur le Comic-Con 2015 et sur l'intérêt, surtout, pour le milieu BD de s'y retrouver. Alors, je rappelle, l'événement Comic-Con 2015 avait lieu ce week-end. L'an prochain, eh bien, il y aura un autre événement. Ce sera les 22 et les 23 octobre 2016. Alors voilà, c'est sur ces éléments qu'on termine l'édition d'aujourd'hui de La Vie en BD. On sera de retour évidemment la semaine prochaine, toujours entre 17h30 et 18h30, avec un regard sur l'édition jeunesse, regard renouvelé, rencontre avec l'éditeur des 400 coups qui célèbre leur 20e anniversaire, Simon Dejoka, qui sera avec nous. Et en deuxième partie, on aura notamment l'illustratrice jeunesse Valérie Boivin, qui au moment où on se parle est en train de lancer sa nouvelle publication du côté des éditions de La Bagnole. Alors voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes du 89.1.